Le groupe Berlin et le titre Take My Breath Away sur RGM. Allez, on passe aux anniversaires. Ils sont nés un 26 juin 1951, naissance de Robert Davy, acteur américain vu dans Les Goonies dans le rôle de Jake Fratelli, Piège de Cristal dans le rôle de l'agent spécial du FBI Johnson, Permis de tuer dans le rôle de Franz Sanchez, Maniac Cop 2 et 3, Christophe Colomb la découverte, Expendables 3 dans le rôle de Goran Vata, la série télé Profiler dans le rôle de l'agent Bailey Malone, Stargate Atlantis ou encore Esprit Criminel. 1955, naissance de Mike Jones, musicien britannique, guitariste et chanteur du groupe The Clash, dont on écoute tout de suite un extrait du titre Should I Stay or Should I Go. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Voilà pour l'extrait du groupe The Clash. On reste en 55 avec la naissance de Rachid Arab, journaliste franco-algérien. 1956, naissance de Véronique Jeunesse, actrice française connue pour son rôle du commissaire Julie Lescaut dans la série Julie Lescaut, vue dans le téléfilm Un Transat pour 8, le téléfilm Merci Patron, aperçu dans Nos Chers Voisins et vu pas plus tard que lundi soir dans Camping Paradis. C'est également l'année de naissance de Chris Isaac, chanteur américain connu pour le titre Wicked Game, dont on écoute tout de suite un extrait. Pour l'extrait de Chris Isaac. 1961, naissance de Terry Nunn, chanteuse américaine, membre du groupe Berlin. 1963, naissance de Dushka Esposito, qui fut chanteuse française ambassadrice de Disney de 84 à 89. 1966, naissance de Danny Boone, humoriste, comédien, réalisateur, scénariste français, vu dans Le Déménagement, Pédale dure, Joyeux Noël, La Doublure dans le rôle de Richard, La Maison du Bonheur dans le rôle de Charles Boulin, Bienvenue chez les Ch'tis dans le rôle d'Antoine Bailleul, de l'autre côté du lit, Le Code a changé, Rien à déclarer dans le rôle de Mathias Ducatel, Astérix Obélix au service de Sa Majesté dans le rôle de Tête de Piaf, le fameux film sur le volcan islandais imprononçable, Super Chondriaque dans le rôle de Romain, Radin dans le rôle de François Gauthier, Red Dingue, La Ch'tite Famille, réalisateur et scénariste de La Maison du Bonheur, Bienvenue chez les Ch'tis, Rien à déclarer, Super Chondriaque, Red Dingue et La Ch'tite Famille. 1967, naissance d'Olivier Dahan, réalisateur scénariste français à qui l'on doit Les Rivières Pourpres 2, La Môme, Les Seigneurs ou encore Grâce de Monaco. 1969, naissance de Colin Greenwood, musicien britannique, bassiste du groupe Radiohead, dont on écoute tout de suite un extrait du titre No Surprises. «

Où vont ceux qu'on aime quand ils disparaissent tout à coup? Quelqu'un qui nous laisse, quelqu'un qui vous blesse quand il s'en va trop loin de nous. Ils sont en nous-mêmes, à portée de nos souvenirs. Pas un mot de trop que le geste qu'il faut pour une dernière fois les retenir. Personne ne finit dans l'oubli si quelqu'un l'attend encore ici. Un ami manque toujours, on pense toujours à son retour. Un jour, tous les espoirs sont permis, que le passé reprenne vie. Le présent les absents. Voilà pour l'extrait des Trois Mousquetaires. À 1987, naissance de Samir Nasri, footballeur français, professionnel depuis 2004. De 2004 à 2008, il a joué à l'Olympique de Marseille. De 2008 à 2011, à Arsenal. De 2011 à 2017, à Manchester City. Entre 2016 et 2017, il était prêté à Séville. De 2017 à 2018, il a joué à Antalya. Tiliaspor et depuis 2019 il joue à West Ham United. 1992, naissance de Rudy Gobert, basketteur français qui de 2011 à 2013 a joué à Cholet et depuis 2013 il évolue en NBA avec l'Utah Jazz. Dans les distinctions personnelles, eh bien, il a été nommé défenseur meilleur défenseur de la saison régulière en 2018 et également cette année il a été nommé dans le All-NBA Second Team en 2017, le All-NBA Third Team cette année. Il a également reçu une distinction annuelle au meilleur joueur défensif de saison régulière en 2017, 2018 et 2019. En équipe de France, il est médaillé de bronze au championnat d'Europe 2015 et médaillé de bronze à la Coupe du Monde 2014. 1993, naissance d'Ariana Grande, chanteuse américaine dont on écoute tout de suite un extrait du titre « One Last Time ». Voilà pour l'extrait d'Ariana Grande. En 1810, décédé Joseph Michel Montgolfier, inventeur français, l'un des inventeurs de la montgolfière. En 1836, décédé Claude-Joseph Rouget de Lisle, compositeur français, auteur de la Marseillaise. En 1967, décédé Françoise d'Orléac, actrice française, vue dans Ce soir ou jamais, Arsène Lupin contre Arsène Lupin dans le rôle de Nathalie Cartier, L'homme de Rio ou encore Les Demoiselles de Rochefort dans le rôle de Solange Garnier. En 1997, décédé Israël Kamakayoole, musicien, chanteur américain. En 2012, décédé Nora Ephron, journaliste, romancière, scénariste, réalisatrice américaine, réalisatrice de Nuit Blanche à Seattle. Vous avez un message, ma sorcière bien-aimée, Julie et Julia, scénariste, Quand Harry rencontre Sally, Nuit Blanche à Seattle, ma sorcière bien-aimée ou encore Julie et Julia. Et en 2017, décédé Alain Sanderes, chef cuisinier français, précurseur de la nouvelle cuisine, 3 étoiles au guide Michelin durant 28 ans à Paris. Avant d'écouter Garou, on va tout de suite faire un point sur les sorties cinéma, comme tous les mercredis. De quoi aller peut-être se rafraîchir aujourd'hui, si ça vous dit. Pour les enfants, il y a Toy Story 4 qui sort aujourd'hui au cinéma, film d'animation de Josh Coulet, avec les voix françaises de Pierre Niney, Richard Darbois ou encore Jean-Philippe Puymartin. Autre film, Made in China, comédie de Julien Abraham avec Frédéric Chaud, Mehdi Sadoun ou encore Gilles de Bonnat. Autre film, La femme de mon frère, comédie de Monia Chokri avec Anne-Elisabeth Bossé, Patrick Yvon ou encore Sasson Gabaye. Autre film, Golden Glove, drame thriller de Fatih Akin avec Jonas Dassler, Margaret Thiessel et Arc Bone. Autre film, Yves, comédie de Benoît Forjard avec William Lekbigil, Doria Tillier ou encore Philippe Catherine. Autre film, Teen Spirit, drame de Max Minghella avec Elle Fanning, Zlatko Buric et Rebecca Hall. Et enfin, dernier film, c'est un film d'épouvante, d'horreur, Brightburn, l'enfant du mal de David Yarovesky avec Elizabeth Banks, David Denman et Jackson Dunne. Voilà pour les sorties ciné. On va tout de suite donc écouter, comme je vous l'ai dit, Garou avec son titre Avancé. J'ai dû laisser sur le bord d'un chemin mes fautes et mes 20 ans. J'ai pris le train. Ne plus appartenir qu'à l'aube et seulement détenir un rêve en fer et avancer. À perdre le bonheur pour mieux rester vivant. J'ai vu bien trop de doutes marcher au bord du vide. J'ai l'amour sur la route et le cœur qui se vide. Mais avancer, encore un pas. Appartenir qu'à l'aube et seulement détenir un rêve à enfer et avancer. Malgré toi, dans Garou est le titre avancé sur le 107 FM. Un peu plus de 8h57, on parle météo. La météo. Bon alors bien évidemment aujourd'hui, hein, journée ensoleillée avec des températures comprises entre 21 et 22 degrés ce matin, entre 35 et voire jusqu'à 38 degrés prévus pour cet après-midi. Jeudi, eh bien, on va rester dans la même tendance avec des températures comprises entre 21 et 22 degrés demain matin, entre 33 et 35 degrés prévus pour jeudi après-midi. Vendredi, des températures comprises entre 20 et 21 degrés le matin et seulement entre 30 et 32 degrés prévus pour vendredi après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Et honneur aux dames, Coupe du monde féminine. Hier ont eu lieu les derniers huitièmes de finale et l'Italie s'est qualifiée 2-0 face à la Chine et les Pays-Bas se sont qualifiés 2-1 face au Japon. Les quarts de finale commenceront demain avec Norvège-Angleterre, vendredi France-États-Unis et samedi il y aura Italie, Pays-Bas et Allemagne-Suède. Dans le reste de l'actualité football, toujours avec l'Euro U21, je vous rappelle que la demi-finale de l'équipe de France ce sera demain contre l'Espagne. Un mot de basket avec la finale des championnats de France. Il a fallu attendre la belle pour connaître le vainqueur et c'est l'Asvel qui a été sacré champion, hein, en battant Monaco. Un mot de tennis maintenant avec le tournoi d'Antalya et qualification de Manarino en 3-7 face à Carbayes Baena. 3-6, 6-1, 7-5. Aujourd'hui, Père affrontera Troïki et Humbert sera opposé à Kekmanovic. À Eastbourne, élimination de Chardy en 2-7 face à Nori. 6-3, 7-6. Gilles Simon s'est qualifié en 2-7 face à Sandgren. 7-5 à 6-1 et Herbert s'est qualifié en 3-7 face à Kudla, repêché 5-7, 7-6, 6-4. Aujourd'hui, Herbert affrontera Evans et Simon sera opposé à Jarry. Côté féminin, Alizé Cornet s'est imposée face à la tête de série numéro 5, Svitolina en 2-7, 6-3, 7-6. La Française affrontera aujourd'hui Zhang à Wimbledon. Côté féminin, a noté hier la qualification de Dodin en 2-7 face à Radanovic, 7-6, 7-5, qualification de S en 2-7 face à Sramkova, 7-6, 6-3, qualification de Poncher en 2-7 face à Trevisan, 6-3, 6-4. En revanche, élimination de Paquet face à Taylor en 2-7, 7-6, 6-4, élimination de Georges face à Zara en 3-7, 7-6, 6-7, 6-3. Aujourd'hui, Poncher affrontera Flink, S sera opposé à Danilovic et Dodin à Begu. Et côté messieurs, Ohang affrontera Giron, Barrère sera opposé à Doutra Silva, Alice à Fratton, Angelo, Moutet à Smitschek et Kwako à Major. Je sais plus ce que j'ai écrit. C'est pas bien grave. Un mot avec les Jeux européens maintenant côté tennis de table. Médaille de bronze pour le double mixte composé de Laura Gagné et de Tristan Flore. Médaille de bronze également en trampoline synchronisée pour par équipe. Hein, pour Sébastien Martini, je vais y arriver, et Alan Morante. Et en judo, médaille de bronze pour l'équipe de France par équipe. Et on termine avec du hockey sur glace. Nouvelle arrivée à l'EHC, celle d'Anthony Pernod, de retour dans son club formateur. Voilà pour l'actualité. Il est sportif, il est 9h. On va tout de suite s'écouter Israël Kamakayoole, bon, Is, avec le titre Over the Rainbow. Ooh. cup that's aware. You find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly and the dream that you did to, oh why can't I, oh, someday wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Me, where trouble melts like a lemon drops, high above the chimney top, that's where you find me. Avec le titre Over the Rainbow sur RGM, presque 9h05, on a débordé un petit peu ce matin. On va faire un point sur les émissions prévues aujourd'hui. À 10h, ce sera les Ados. À midi, la bulle de l'IA consacrée à la ferme aventure et la maison du tourment. 13h30, la rediffusion de la chronique d'Alexandre. 15h, Bollecker. 16h, 90 minutes pour Boomerang. Je crois qu'ils ont décalé leur horaire. En tout cas, ce sera cet après-midi. À 20h, Nothing But The Blues. Et 21h, la rediffusion de Mosaïque. Et minuit, la rediffusion de La Bulle de l'IA. Nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.